Chaque mensonge n'est qu'un reflet. Vos voix se brisent, faibles et creuses. Rail de ce qu'il reste, bloc d'acier. Un nom qui frappe, un nom qui pèse. Vos trônes tombent comme des mirages, des faux éclatent dans vos carnages. Chaque idole brûle sans avenir, chaque rive vide finit par fuir. Moi je bâtis sur la franchise, chaque mot grave, brut et précise. Rider skill trace, franc et précis, un rock vivant au cœur de la nuit. Sans penser, des chaînes forgées pour obéir. Vos couronnes brillent, mais sont vides. Des flammes mortes, des ombres livides. Moi je parle brut, froid et réel. Chaque souffle marque, poids éternel. Rien est ce qu'il vit, dure élégie. Un feu sacré que rien n'est invite. En poussière, des illusions faibles, des couronnes amères. Chaque mensonge nourrit vos cris, chaque reflet s'éteint dans la nuit. Moi je marche droit, bloc indomptable, ma voix rugit, lourde et durable. Raid est ce qu'il frappe, clair et franc, un souffle d'acier brûlant le temps. Cachez vos chaînes dans des reflets, mais vos ombres s'effacent à jamais. Des prophètes creux, des voix sans base, des illusions mortes, une foule en extase. Moi je manque, franc et précis, chaque cicatrice forge mes écrits. Raid est ce qu'il vit, fidèle et vrai, un nom d'acier, un souffle entier. Dans ma lumière, chaque attaque nourrit ma pierre. Je suis le bloc, froid et loyal. Rider skill vrai, jamais banal. Eternal steel, I never fall. Devient poussière, chaque trône vide se désespère. Vos foules suivent des spectres morts, mais vos mirages n'ont plus de corps. Moi je forge mes vérités dures, chaque ligne frappe, lourde et pure. Raid est-ce qu'il marche, gravé dans l'air, un rock sacré, une voix sincère. Eternal steel, I never fall. Fire, I stand tall. Rider skill, the name remains. Breaking lies, I cut the chain. Je marche droit, franc et réel. Rider skill brûle, poids éternel. Vos mensonges meurent, vos voix s'éteignent. Moi je reste, ma flamme règne.